peuple malien qui s'est levé pour dire que nous, on n'est pas d'accord, qu'on ne peut pas avoir cette insécurité avec les satellites, les drones, avec tout ce que la France peut disposer. Et c'est le désert, ce n'est pas la forêt comme au Congo. C'est le désert où on peut voir les individus se déplacer aisément, facilement. Donc cela n'est pas admissible. Donc à la suite de cela, le peuple malien a continué la manifestation jusqu'à ce que le régime Ibeka, qui était pro-français, soit renversé. Et dans cela, le peuple malien a continué à pousser pour que la France sorte du Mali. Et Dieu merci, depuis que la France est partie du Mali, il y a moins d'attaques. La France nous a mené la MINUSMA, les forces onusiennes, parce qu'on dit qu'il y a les terroristes ici. Ok, les nouvelles autorités du Mali ont fouillé, ont mené des enquêtes, les renseignements, les investigations. On est parvenu à la conclusion, ce sont les autorités du Mali qui sont parvenues à la conclusion que c'est la France qui est derrière les terroristes. Afrique Média, le monde, c'est nous.